sous le yo star. Pendant qu'il y en a qui font les stars, ils ont plus le même regard. Y'a tout le monde qui veut une part. Chez nous y'a la frappe que tu trouveras nulle part. J'arrive au réseau alors j'éteins les phares. Je veux tirer de barre, jette mon bras à la barre. T'as fait des dingueries, après t'es mal à la barre. T'as fauté, tu nies, je vais demander la barre. J'évite le BDA chez les gens trop bavards. Et merci la zone, hein. Hey, que ça kick en live, hein. Merci la zone, merci la zone. Merci la zone, merci la zone, merci la zone, merci la zone, merci la zone. Les gars, on est sur l'avant-dernier. Merci la zone, on dit. J'suis sur Becky Central, j'peux vivre ma vie sans traître. Ok, c'est l'avenir au mic. Yeah. J'suis sur Becky Central, j'veux vivre ma vie sans traître. Pour être fort, faut la mentale, pour être fort, faut la mentale. J'suis sur Becky Central, j'veux vivre ma vie sans traître. Pour être fort, faut la mentale, pour être fort, faut la mentale. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. Ah, ah, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. Ah, ah, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. Ah, ah, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. Ah, tout va bien, je nique tout, c'est pas fini. Tu vois ma tête sur Saka Akini, la moula dans la Sergio Tacchini. J'suis resté en Indé, j'ai pas signé. Des fois c'est la merde, faut que je m'en sors seul. Moi c'est Joe, le dégradé avec le trait sur le sourcil. Arrête de faire le mec, t'as du sursis. Sur ce, j'compte plus sur mon frère que sur ça en personne, frère. J'ai appris leur vie sans les voyer en faire. Ils ont touché la haine en me voyant fort. J'suis présent toujours les frérots, compris deux enfermes. Pas ceux qui me font la bise et que je s'en faux. J'suis enlivré, j'suis enlivré. On n'est pas parfait, on a tous des défauts. En effet, ces bâtards mettent mon corps à laisser. Tout à prendre, rien à laisser. Quand je le. Mesdames et messieurs, quand je lève la manteau, j'ai des sensations. Et avant de rater sur scène, j'ai des pulsations. J'en ai plus cassé, d'avoir le cœur cassé. Maintenant, je vais t'esquiver quand je vais devoir passer. Je sais qu'ils parlent mal quand je suis pas là. Après, ils viennent me dédicacer. Je ne dis rien, je laisse passer. Quand je suis entassé, je suis dans l'espace. Mon cœur est chaud, je suis plus cassé. J'ai la haine, ouais, je vais tout casser. Ça fait wop, wop, wop, wop. Ce soir, la team Joule, elle fait des dégâts. Ça fait wop, wop, wop, wop. Je dis ce que je vis, ça plaît pas. Ouais, ça fait wop, wop, wop, wop. Faire le trait de poteau, ça se fait pas. Ça fait wop, wop, wop. Non, non, c'est pas des là, les gars. Et il me semble qu'on est tous ensemble. Quand on se rassemble sans faire semblant, parce qu'au fond on se ressemble. Faut qu'on reste simple, dégustant les moments. Passons des soirées sans blème, sans blème. 1, 3, ma ville, mon quartier, mon emblème. J'suis sur Becky Central, j'veux vivre ma vie sans traite. Pour être fort, faut la mentale. Pour être fort, faut la mentale. J'suis sur Becky Central, j'veux vivre ma vie sans traite. Pour être fort, faut la mentale. Pour être fort, faut la mentale. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. On casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout, on casse tout. Et merci la zone, et merci la zone, et merci la zone, et merci la zone, et merci la zone. C'était j'nique tous les baisses. J'attendais pas tous baisses. Ils sont devenus tous bizarres. J'déprochais des buts pendant que tu vois pas plus loin que le bout de ton joint. Pendant qu'en boîte de nuit tu joues le donjon, mon frange. Laisse-moi loin des gens qui croient que tout est tac. J'veux voir son boule bouger devant ma tête sur tac et tac. J'ai bien Marseille, la mer, le bon shit parce que tout est à côté. La famille, les potes. En claquette quand il neige. Même l'hiver fait les mèches. En zone dans le Mercedes, j'suis passé comme une flèche. J'ai vu des trucs, tu sers. Même toi, tu aurais rien pu faire. C'est là qu'il faut revenir plus fort. Un jour tu gagnes et l'autre tu perds. J'fais pas le matrixé quand je passe vers chez toi. J'reste moi-même, tu sais, j'fais le signe avec les doigts. J'viens de faire un gros pétard, j'bois mon caprice, un fruit rouge. Ils sont là pour faire des love, mais si demain ça tire qui bouge. Des fois j'pense à des bâtards comme un sgeg, je bug au feu rouge. Mon poteau, j'vois tout, j'écoute tout, mais je ferme ma bouche. Passer ma vie à galérer, parce que j'avais pas les ronds, m'en pas les reins, j'suis pas les héros, j'suis pas les grands. Non, non, non, j'fais tout seul, c'est parti de la chambre. J'ai tourbé dur comme un fou, mais c'est un peu grâce à la chance. Certains m'ont donné des coups de pouce. Y'a eu du bon comme du mauvais, d'ailleurs j'vous dis merci, j'en ai un coup de blues. Coup de blues, j'en ai un coup de blues. Mais bon bref, moi c'est Joel, j'fais pas de trêve. Pas de trêve, le sang dans l'équipe, j'veux pas de traître. Pas de traître. Dans l'équipe, j'veux pas de traître. J'ai perdu ma mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. Donc je baisse des baisses, tout passe à baisse des fils. Je fonce, y'a pas de fiesta, fiesta. Dans le rap je baisse tout, ils en peuvent plus de moi. Si je veux j'envoie un album tous les deux mois. Petit jaloux de mes couilles, ah j'suis mort à t'entendre. Si tu savais avant de percer, moi j'ai rappé tant temps. Sa folle elle est bonne, sur ses fesses il joue du tam-tam. Ça détourne ta dame, ça veut les pecs à sa dame. Sois dans la potion, s'finit à bébé. Deux mois après elle te dit qu'elle a ton bébé. Qu'elle assumera si tu dois ton bébé. Si tu finis endetté ou en mandat de DD. J'suis parti de nada, fada, moi j'ai choqué des datas. Dédicace à ceux qui braquent, à ceux qui volent, à ceux qui cartent. À ceux qui ont pas un dans le quartier, à ceux qui tuent, à ceux qui partent. Pas de pépé, mon gros pop, bouteille de Québec, ouais, logo TP. J'vais encore leur montrer, au moins ces salopes ils parlent plus. Plein de soucis, alors je fume que des gros bangs. Marseille, c'est ma ville, oh, c'est pour ça que je pars plus. Je prends mon deux roues, mes couilles et partir vendée. Ouais, putain, contrôle, veulent encore nous palper. J'dois clipper, j'ai pas le temps. Ouais, l'ambiance c'est pas le pop. Trop de fonds m'ont blessé, par jalousie, par plaisir. C'est pour ça que des fois je suis solo dans le merco compresseur. Tout le monde connaît un fils de ouais, les cœurs ils déchirent. T'as envie d'aller lui mettre des gifles, insulter ses mots. Allez, insulter ses mots. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu. Hein, Nikazé, hein. Dédicace Kevin, dédicace Boris, hein. Dédicace Thomas, dédicace Toussaint, dédicace Sandy, dédicace Jovan, dédicace JP, dédicace Pierre-Antoine, dédicace Manu, ouais, tu le sais, dédicace les frérots qui sont là, dédicace à tout le monde, ça fait, dédicace Bifton, dédicace à Toast, dédicace Kenyo, dédicace Bilou, dédicace Patate, dédicace Le Brunk, dédicace Vaga, dédicace Le Loup. Dédicace Baba, dédicace à Bézaï, dédicace le Ice, dédicace Iho. Dédicace Mirchou, dédicace Amous, dédicace Bramso, dédicace Choco, dédicace Benef, dédicace Babi, dédicace Bifort, dédicace Adris, dédicace Pancho et même Yakar, dédicace Ali et même Hafid, dédicace Ryan, dédicace Rinoto, dédicace les Poto, dédicace les Paquette et les Pablo. Et merci les Picasso, Yazoo, Omar et Yasser. KDLG de Vitry, enfermé à Villepinte, Michel de Vitry, Hassan Lascampia de Lille, Amine la chouette de Trappe et Sofia Noulette de Napoli. Et grosse dédicace à ma maman que j'aime. Ya ya ya ya. Allez, tout le monde me suit, ça fait. Ouais c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, ouais c'est pas des lol, ouais ouais, ouais c'est pas des lol, ok, c'est pas des lol, ouais ouais, ouais c'est pas des lol, la team, la team, laissez l'instru, je vais faire un peu de dédicace un peu. Eh, hey, alors attends, tu casses, ouais. Laisse l'instru. Laisse l'instru, on laisse. Faites du bruit, il vient de battre le record 43 minutes et une seconde.